إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، donc nous sommes maintenant au cours numéro 11 du livre qui s'appelle Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifat ala kulli muslimin wa muslima, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître, qui sont un recueil, qui est un recueil de petites épîtres du cher Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous sommes donc dans l'épître où sont citées les preuves des conditions du La ilaha illallah, ces conditions qui sont au nombre de 7. Et nous sommes dans la condition qui s'appelle Al-Inqiyad. Al-Inqiyad qui veut dire être conforme, et être obéissant, avoir l'obéissance. Donc cela concerne les actes du corps. D'accord ? Donc nous sommes arrêtés au Tarlik numéro 11. Tarlik qui veut dire la notation que j'ai, moi, dans... J'ai écrit ici au numéro 11. Et nous avons vu les paroles de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui est né en 150 de l'Hégire, et qui est décédé, rahimahullah, en 204 de l'Hégire. Et la date de sa naissance, c'est la date de la mort de qui? Comme je l'ai dit la dernière fois, de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. 150, c'est un nombre juste, et c'est facile à s'en rappeler. Donc il a bien dit que les sahabas, ceux qui sont venus après, étaient tous unanimes, comme quoi... Al-Iman, la foi, c'est une parole, un acte, ou un niya, et une intention, c'est dans le cœur aussi. Al-Niya, il veut dire par l'intention, al-Irtiqad. Et comme il a dit, qawlun wa amalun wa niya. Et après, il a dit, wa yujzi'u wahidin min al-thalath illa bil-akhar. Il n'a pas un seul de ces trois qui suffit sans qu'ils viennent avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir les trois pour qu'il y ait l'iman. S'il y a une seule de ces trois qui manque, il n'y a pas de iman. Donc c'est du kufr. Et nous avons cité aussi la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, à la fin de sa récit Kashf al-Shubuhat. La Kashf al-Shubuhat, qu'on traduit, comment je vais traduire exactement la dernière fois, Kashf, le fait d'éclaircir les ambiguïtés. Oh, il disait bien aussi que, comme je vous le dis, la khilaf, je retrouve sa parole, la khilaf an at-tawhid la budda an yakun bil qalb wa lisan wa al-amal. Il n'y a pas de divergence. Et il veut dire qui là? Les gens de la sunna ou le jama. Il n'y a pas de divergence que le tawhid ou la budda. On ne peut échapper à ce qu'il soit avec al-qalb, le cœur, al-lisan, la langue, ou al-amal, et les actes par le corps. Ensuite, il a dit, فَإِنِ اِخْتَلَّ شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا. Et si une chose de ceci manque, alors la personne n'est pas musulmane. Donc, elle est kafir. D'accord, c'est clair, c'est net. Et nous avons lu après la parole du cheikh de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui est décédé en 728 de l'Hégire. D'accord. Je vous rappelle d'ailleurs que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah est décédé, lui, en 1206 de l'Hégire. Donc nous avons des paroles vraiment de toutes les époques, hein, de trois époques bien différentes sur ce que c'est que l'iman, la foi. Dans son livre, donc, la parole du cheikh de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, dans son livre qui s'appelle Al-Aqidah Al-Wasitiyya, la croyance wasitiya de la ville wasita, parce que les personnes de la ville wasita étaient venues lui poser des questions sur l'iman et l'aqida, et il a répondu avec cette petite risala. Et donc il a bien dit que je vous lis, hein, je vous relis, wa min usuli ahli sunnati wal jamaa anna ad-din wal iman qawlun wa amal. Et parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe al-sunna al-jamaa est que la religion et la foi, c'est une parole et une action. Là, il a dit seulement deux choses. Mais comme je l'ai dit, c'est ça le mieux à dire. On trouve aussi ça parmi les sages qui le disaient. Et après, il fait le tafsir, il fait l'explication. C'est-à-dire comment ça colle ou ramène une parole et une action. Kolul kolbu al-lisan, la parole du cœur et de la langue. La parole du cœur, c'est quoi? Bah, c'est l'irtiqad. C'est l'irtiqad, c'est ce qu'a dit M. Shafir Rahman en disant niya, niya. Est-ce que c'est dans kolb? C'est dans le cœur? Est-ce que d'autres disent al-irtiqad? C'est comme al-Sheikh Mohammed Rahman a dit al-irtiqad. D'accord? Elle avait dit, excuse-moi, il avait dit, elle colle seulement, elle colle le cœur. D'autres disent, elle est articode. وقالوا اللسان, la parole de la langue, c'est bah, le fait de prononcer la shahada. Ensuite, il a dit, amal, c'est quoi? Amal al qalb wal lisan wal jawarih, l'action du cœur, comme par exemple la peur d'Allah azza wa jal, et d'accord, l'espérance en Allah azza wa jal, ça ce sont des actions du cœur. Al haya, la pudeur est une action du cœur, d'accord? La pudeur est une action du cœur. Ensuite, wal lisan, l'action de la langue. Et oui, la langue peut avoir une action. Quand on interdit le mal et on ordonne le bien, l'enfant a une action. Et c'est par la langue. Donc la langue aussi a une action. Wal-jawarih, et les membres, c'est-à-dire le corps, elle a des actes aussi, comme le fait de faire la prière, de faire le djihad, etc. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, rahmahullah, dit « Wa'an al-iman yazidu bit-ta'a wa yankusu bil-marsiya » Et la foi augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Et comme je l'ai dit, vous avez ici la clé de ceux qui se plaignent d'avoir la foi qui baisse. Si la foi baisse, mon frère ou ma sœur, c'est que tu as désobéi ou que tu ne fais pas assez de bonnes actions. Cherche, cherche où tu dois... te repentir et cherche où est-ce que tu dois faire de bonnes actions et la foi augmentera bi-iznillahi ta'ala. Et avant tout, on demande la foi à Allah Azza wa Jal. Nas'alullah Azza wa Jal al-iman wa thabat, et l'affermissement sur l'iman, wa an yumitanna ala l'islam, est-ce qu'il nous fasse mourir sur la soumission, sur l'islam, la soumission à Allah Azza wa Jal, seul sur le créateur, pas d'autre créateur. Ensuite, voilà, nous sommes arrêtés là et maintenant nous continuons sur ceci. Donc j'ai marqué Naza'a murji'atul fuqa'a il amala min al-iman. Alors les murji'a de ce qu'on appelle murji'a al-fuqa'a, parce qu'il y a plusieurs sortes d'irja. Et la sorte déjà la plus faible, c'est-à-dire qui est le moins dangereuse, entre guillemets, quand je dis moins dangereuse, c'est ce qu'on appelle irja'ul fuqa'a, l'irja des fuqa'a. Al-fuqa'a, c'est le pluriel de faqih. C'est-à-dire que beaucoup de savants du fiqh, notamment dans le mazhab Hanafi ou Shafi'i, aussi Maliki, sont tombés dans l'irja. Mais d'ailleurs, pratiquement tous, si ce n'est sans exception, hein, pratiquement, je dis bien parce qu'il y a eu quelques-uns quand même, mais il y a des exceptions, mais la grande majorité des savants du mazhab Hanafi sont murji'a. Mais sont murji'a quoi? Murji'a ou fuqaha. Et pour eux donc, ils disent quoi? Eh bien, pareil, je vais vous dire, ici maintenant je vais prendre la risala qui s'appelle Al-Aqida al-Tahawiyya, l'Aqida de al-Tahawiyya, de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, qui est décédé en 321 de l'Égypte, qui est une. Cette Aqida est pourtant une référence dans Al-Sunna al-Jamaa, et je vous incite à le lire, ce livre Al-Aqida al-Tahawiyya. Et pourtant, il y a très peu d'erreurs, mais il y a cette erreur-là. Mais avant, je vais vous dire ce qu'il a fait dans sa préface. Donc, l'imam al-Tahawi, rahimahullah, a dit ceci avant, dans sa préface, que. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة على مذهب الفقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. Donc voilà ce qu'il a dit l'imam al-Tahawi رحمه الله par rapport à son livre qu'il a écrit, cette petite rissala, son petit épître dans la Aqida, que ceci est un rappel de l'éclaircissement de l'aqida, de la croyance à l'usul al-jamara, des gens de la sunna al-jamara, à la mazhab, sur l'école des fuqaha al-milla, des savants du fiqh, de la religion, qui, Abi Hanifa al-Nu'man al-Thabit, donc de Abu Hanifa, rahimahullah, et de Abu Yusuf c'était son compagnon, et Abu Abdillah Muhammad, c'est-à-dire son deuxième compagnon, parce que ceux qui étudient le fiqh, notamment, ils savent que Abu Hanifa, dans le Madhab Hanafi, on cite Abu Hanifa et on cite souvent c'est aussi ses deux compagnons, qui est Abu Yusuf et Muhammad. On dit Abu Yusuf, on ne dit pas Abu Yusuf ou Abu Yusuf, hein, Abu Yusuf. Yusuf et Muhammad. Donc c'est, voilà. C'est donc la cadade aussi d'Abu Hanifa qui était un murji dans. La bab de Al-Iman, et oui, c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est dans le mazhab Hanafi, pratiquement tous, du bien pratiquement pas tous, il y a quelques exceptions, sont tous murji'atul fuqaha. Et donc l'imam al-Tahawi, rahimahullah, et malgré que lui aussi il a cette aqida qui est un murji' parmi les murji' al-fuqaha, on dit même que c'est un imam, et dans les gens de la Sunna al-Jamaa, il a cette erreur, d'accord? Donc on tape pas trop sur ceux qui ont cette erreur. Certains, par exemple, à notre époque, tapent même parfois un petit peu trop dur, à mon avis, et même, on n'a pas à taper, hein, sur Al-Albani, rahimahullah, parce qu'il est tombé dans l'irja, comme on va le voir, inshallah, dans cette erreur-là de l'iman. D'accord? Certains se, vraiment s'acharnent sur Al-Albani, rahimahullah, mais soit ils sont ignorants, soit ils ont oublié que Abu Hanifa et beaucoup de savants dans le fiqh et qui sont des références dans les gens de la Sunna al-Jamaa sont tombés dans cette erreur. Donc calmez-vous. Hein. Par contre, il faut éclaircir ce point. Si jamais un savant qui est tombé dans cette erreur, ben, comme je viens de le dire pour Abu Hanifa est tombé dans cette erreur, je dis, voilà, il est dans l'Iman, il faisait partie des Murji'a, Fuqaha, pourtant on rentre toujours dans la Sunna al-Jamaa, d'accord? Mais on le dit qu'il a fait cette erreur et on démontre cette erreur. Et Albani, pour ça, ce n'est pas une exception, d'accord? Albani, pour ça, ce n'est pas une exception. Il fait une erreur, et ben on explique son erreur. Par contre, on ne lui tape pas sur la tête et on le respecte, Inch'Allah. Donc, l'imam Tahawi, Rahmallah, dit par rapport à l'imam Abu Hanifa, qui est aussi la croyance des deux compagnons d'Abu Hanifa et de l'imam Tahawi, Rahmallah, al-imanu, wal-imanu, donc l'iman c'est quoi? Wal-ikraru bil-lisan, donc c'est le fait de l'attester par la langue, wat-tasdiqu bil-janan, et le fait de le rendre véridique, de le concrétiser par quoi? Bil-janan, al-janan, c'est-à-dire les arkan, c'est-à-dire les al-jawarih, c'est les membres du corps. Astaghfirullah, excuse-moi, c'est le don de dire, Al-Janan c'est Al-Kolb, là je me suis trompé, entre Arkan, Al-Janan c'est Al-Kolb, d'accord? Moi Tarsdik, Bil-Janan, donc ce sont deux choses pour lui, et pour Abu Hanifa, et pour la grande majorité des savants du Mazhab Hanafi, où on trouve aussi, et c'est aussi notamment l'Aqidah des Ash'ari, et combien de savants, combien de fuqaha parmi le Mazhab Shafi'i et le Maliki sont des Ash'ari. D'accord? Donc il dit bien deux choses. L'iman, huwa l'iqrar bil lisan. L'iman, la foi, c'est quoi? C'est le fait de l'attester par la langue, ou at-tasdiq bil janan, et le fait de le déclarer vrai par le cœur. Et il s'arrête là, point. Et il n'a pas cité les actions. Alors là, dans mon petit, j'ai un petit livre qui est avec un tarik, avec une annotation du cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et il dit, وهذا التعريف فيه نظر وقصور والثواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالتعب وينقص بالمعصية. Et il dit que cette définition de l'iman, il y a dedans un nazar, c'est-à-dire qu'il faut il y a quelque chose à avoir, c'est pas clair, ou à coup sourd, et il y a une négligence. Ou sawab et le juste, la vie juste, c'est quoi? Ce que dont les gens, les sunna al-jamaa sont vraiment. C'est que quoi? Un iman kolou, amal ou artikat. L'iman, c'est quoi? C'est une parole, un acte et une croyance. Et donc, on fait rentrer l'acte dans l'iman, contrairement à ça. D'accord? Donc, sachez, tapez pas trop sur ceux qui disent dans l'iman, l'action ne rentre pas, ne dites pas, déjà ne les insultez pas pour ça, sinon, ou si vous êtes soyez sincères, et bien insultez Abu Hanifa et insultez pratiquement tous les savants du Madhab Hanafi et inciter d'autres savants parmi le Madhab Shafi'i et notamment le Maliki. Voilà. Tout en sachant que c'est bien sûr c'est une bid'a cette parole, d'accord? Mais comme je vous l'avais dit notamment en début, il y a certaines bid'a, on ne dit pas que la personne est un mubtadir. Pourtant la chose est une bid'a. Mais pour dire cette personne c'est un mubtadir, on se retient, d'accord? Il a fait une erreur. Et nous aussi on peut faire des erreurs. Mais on doit faire des erreurs aussi. Et Allah Azzawajal, ben on lui demande qu'il nous pardonne et qu'il nous fasse voir ses erreurs. Donc voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Donc ce qu'on appelle murji'atul fuqaha, les murji'a des fuqaha, donc des savants du fiqh, ont enlevé l'acte, donc l'acte par le corps, ils l'ont enlevé de l'iman. Mais c'est seulement la parole par la langue et le fait de la croire par le cœur. Donc quand le bardoum et certains d'entre eux, et parmi eux, et ben c'est Al-Albani, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, Al-amalu shartu kamal, la siha. Il a dit l'acte, ça fait partie de l'iman. Mais après il a dit quoi? L'acte, c'est une condition de perfection, pas de validation. Et oui. Et en fin de compte, c'est là qu'en fin de compte, on voit qu'en fin de compte, dans le bab de l'iman, et ben c'était comme Abu Hanifa et d'autres savants, et d'autres parmi très grands savants, et ben ils sont tombés dans cette erreur, dans cette bid'a qui est irja ou fuqaha. Voilà. Je vous explique pourquoi, parce que Al-Bani, rahmallah, par contre, on va lui dire, il va dire l'iman, kol, ou amal, ou artikal. Il va dire c'est comme ça, comme pour véritablement comme les gens de la Sunna al-Jamaa, ils ne sont pas trompés. Il va dire que l'iman, la foi, c'est une parole, un acte. Et une croyance du cœur, d'accord? Mais quand on lui dit détail, c'est-à-dire détail ceci, il va dire la croyance du cœur et la parole de la langue, c'est deux choses. Si jamais ces deux ne sont pas réunies, la personne n'est pas moumine, donc il est kafir. Et par contre, l'acte du corps, ça fait partie de ce qu'on appelle l'iman, mais ce n'est pas une validation pour l'iman. C'est seulement une perfection. Ce qui veut dire que si jamais la personne ne vient avec aucun acte, eh bien, il est toujours moumine. Par contre, c'est pas moumine comme il n'est pas un croyant parfait, mais il est toujours moumine, donc il est toujours musulman. Et voilà, c'est ça de son irja. Parce que comme on a vu hein, juste avant, quand l'imam Ash-Shafi'i a dit, il y avait ijma' des sahaba, que ces trois choses, d'accord? Et que si une de ces trois choses n'y est pas, eh bien ça ne marche pas. Il n'a pas dit que comme quoi l'imam ces trois choses, mais il faut en avoir deux pour que l'imam soit bon. Non, il faut avoir seulement les trois. Et comme on a vu pour l'imam Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, comme je l'ai cité à la fin de sa risala, Keshf-e-Shubuhat, et beaucoup de savants, je ne vais citer que ici, hein, que c'est certain, mais beaucoup de savants l'ont bien dit et bien expliqué que ces trois, si un de ces trois-là n'est pas là, il n'y a pas d'imam. C'est du coup faire les trois. Les trois sont des shurut siha, donc ce sont des conditions de validité. Si bien grand bien, on doit dire employer le mot shurut, parce qu'il y a le Fawzan qui est venu et qui a dit, mais en plus, le mot short, normalement, il ne faut pas l'employer, parce que short, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de la chose même. Ça, on rentre sur le fiqh. Donc, il faut dire arkan, rukn. Mais bon, ça, c'est juste une divergence. Oui, on n'en a pas trop. Ça ne nous dérange pas trop. On regarde vraiment la chose même. Qu'on dise rukn ou shart, c'est la même chose. En quoi l'imam doit être valide, c'est les trois. Il faut venir avec les trois. D'accord? Et donc, Al-Albani, concrètement, revient dans cette chapitre-là, fait partie de ce qu'on appelle Murji' al-Fuqaha, comme Abu Hanifa et d'autres grands savants. Voilà. Concrètement, il revient à ça. Et certains parmi les. Donc, on peut trouver certains parmi les Hanafis, c'est ce qu'on appelle notamment Al-Maturidiyya. Sachez, entre parenthèses, vous entendez souvent Al-Ash'ariyya. Al-Ash'ariyya. Non, Ash'ariyya. Ça, c'est dans la croyance d'Ash'ariyya, c'est ceux qui les prennent maintenant, et depuis plusieurs siècles, ce sont notamment ceux qui sont sur le Mazhab dans le fiqh, Mazhab Ash'afi'i et Malikite. Mais les Hanafis, ils ne se disent pas Murji'a, ils ne se disent pas Ash'ariyya. C'est un autre, ils ont une autre personne, c'est Maturidi. Ce sont ce qu'on appelle des Maturidiyya. D'accord? Les Maturidiyya, ils sont ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha. Voilà. Cette parole de Al-Albani, notamment, qui dit que la condition, que l'action, l'acte est une perfection, et c'est seulement une condition de perfection, pas de validité, vous le trouvez dans son livre qui s'intitule Hukm Tariq al-Salah. La sentence de celui qui a laissé la prière. D'accord? Et dedans, notamment, ils disent que ceux qui disent que l'action fait partie, notamment, intégrante de l'imam, dans le sens que ce n'est pas valide, l'imam n'est pas valide, et par contre, il a rejoint les Khawarij, donc il a vraiment lui aussi, là, il a exagéré. Voilà, donc. Ensuite. Mais comme je dis, il y a plusieurs sortes de irja, donc le plus faible, donc le moins dangereux, entre guillemets, hein, c'est ce qu'on appelle irja ou fuqaha. Donc il y a ce qu'on appelle, ils sont murji'atul fuqaha, c'est ce que sont notamment dans l'imam al-Albani, rahimahullah, ainsi que la Hanafiya, wa jumhur ash'ariyya, et ainsi que la majorité des ash'ariyya. Il y a quelques savants ash'ariyya qui n'ont pas cet irja, mais la majorité des ash'ariyya, ils sont aussi murji'atul fuqaha, d'accord? Il y a d'autres Irja plus profond, beaucoup plus grave. D'accord? Mais vraiment grave. D'accord? On va voir ici, Inch'Allah. Comme par exemple, ce que disent Al-Jahmiya. Al-Jahmiya, ils sont vraiment allés très loin. Ils disent que l'iman, c'est quoi? Ma'rifatullah bil qalb. C'est le fait de connaître Allah par le cœur. D'accord? Le problème, c'est que ça fait rentrer Iblis. L'anatullah alayhi, donc le shaitan, ça le fait rentrer le grand Satan, hein, l'Iblis, ça le fait rentrer dans l'iman, parce que l'Iblis, comme on a déjà vu des versets, il reconnaît Allah, il connaît Allah. D'accord? Donc c'est très grave de dire ça. Il y a ce qu'on appelle Al-Karamiya, qui est une secte aussi, de Murji'a, d'accord? Qui disent que eux, l'iman c'est quoi? Al-Tasdiq bil-lisan, c'est le fait de rendre vrai, donc de déclarer que c'est vrai, donc la ilaha par la langue. Mais le problème, c'est que si on dit ça fait rentrer el muna fekoun parmi les croyants. Parce que si une personne est un croyant, un mu'min, seulement par la langue, ça veut dire que si jamais son cœur, il ne croit pas, comme c'est les munafiqoun qui cachent leur mécréance, et ben donc on les fait rentrer parmi les croyants. Donc on dit que les munafiqoun rentrent en enfer. Alors on sait très bien que les munafiqoun sont au plus bas de l'enfer. Asfal, au plus bas de l'enfer. Voilà, et bien sûr, comme je l'ai dit, les Murji'atul Fuqaha qui disent que l'iman, c'est seulement l'i'tiqad bil qalb, ou le qalb bil lisan, c'est deux choses, la croyance par le cœur et le fait de le dire par la langue. Et certains disent, comme dit Albani, il n'y a pas, c'est pas lui qui a inventé cette parole, parmi les Murji'a, des Fuqaha, il y en a d'autres d'autres l'ont précédé sur ça, et il rajoute, l'iman c'est aussi al-amal, ou walakin al-amal, ou al-shart kamal. L'amal, c'est seulement une condition de perfection, c'est-à-dire que la foi devient valide seulement avec deux choses. Et c'est ça ce qu'on appelle le fondement même de Irja Fuqaha, c'est ça. Même si on dit, même si certains disent que le mot amal rentre dans la chose nommée al-iman, mais ils disent qu'en fin de compte, l'amal, ça ne sert pas à rendre valide al-iman. Alors, l'iyazu billah, ceci est une bid'a. Voilà. Maintenant, voilà, mais je vais vous dire. On va lire ce que dit Al-Albani rahimahullah. Et sachez que je respecte très profondément l'imam Al-Albani rahimahullah. Pour moi, c'est vraiment un grand savant de ce siècle, pour ceux qui étudient notamment, ne serait-ce que dans le hadith. Il a fait un travail dans le hadith sur ce siècle, depuis des siècles, vraiment formidable. Et notamment pour le fait de s'accrocher à la sunna de manière générale, et sur des points particuliers, d'accord? Il a fait vraiment des choses vraiment formidables pour l'islam et pour la sunna, rahimahullah. Par contre, bon, il a, comme tout le monde, il a des erreurs. Donc là, il a une erreur dans ceci. Il faut juste le démontrer. Dans son livre qui s'appelle Hukmu Tariki Salah, donc la sentence de celui qui délaisse la prière, dans mon édition à moi, c'est la page 67. Il dit ceci par rapport au fait de délaisser la prière. Il dit, laissez faqat shart kamal. Donc le fait de délaisser la prière, de pas faire, excuse-moi, de faire la prière. Il dit, ce n'est pas seulement une condition de perfection. Ensuite, il dit, fa innal amal as-salih kullaha shart kamal. Il dit que les bonnes actions, tout entières, donc sans exception, shart kamal, c'est une condition de perfection chez les gens de la sunna. Et là, comme on a vu, il s'est trompé parce qu'il a divergé de l'imam Shafi'i et bien d'autres, je cite bien d'autres sur ceci. Et ensuite, il dit khilafan lil khawarij wal mu'tazila, à la divergence des khawarij, a'oudhu billah. Donc, en fin de compte, il dit que c'est comme s'il disait que l'imam Shafi'i, rahimahullah, et bien d'autres savants disent qu'ils sont des khawarij, a'oudhu billah, ou du moins qui s'y apparentent. Donc, quoi, ilin bit tahlid ahlil kabar finna. Voilà. Comme justement il dit, Fahin Laouka, le Kalin a bien la seule achat Sihat al-Iman. Et ensuite il dit que celui qui dit que la prière est une condition de l'Iman, parce que comme on va le voir, Inch'Allah, beaucoup de savants ont dit que celui qui délaisse la prière, eh bien c'est un kafir. Et notamment beaucoup de sahaba, mais on ne connaît pas de sahaba qui a contredit ceci. D'accord? Et c'est la parole de l'imam Ahmed, et c'est aussi la parole de l'imam Shafi'i, comme justement Tahoui, Rahimallah. La cité de l'imam Shafi'i même. Certains disent que là, l'imam Shafi'i, il disait que c'était pas du Kufr Akbar. Seulement, en fin de compte, ils n'ont pas de preuves sur cela. Mais après, la majorité des savants de son mazhab disaient que ce n'est pas un Kufr Akbar. Mais dans tous les cas, il dit quoi, le bannier, pour celui qui dit que celui qui délaisse la prière, c'est un kafir, il dit quoi? Faqad il taqa'a ma'al khawarij fi ba'di qawlihim hadha. Et donc, il dit quoi? Il dit ceci à le bannier. Alors, celui qui dit donc que le fait de délaisser la prière, c'est un kafir, qui est sorti de l'islam, faqad il taqa'a, alors il s'est rencontré avec qui? Ma'al khawarij, avec les khawarij. Subhanallah, voilà comment il dit ça de ses savants, fi ba'di qawlihim, dans certaines de leurs paroles. À savoir que l'Othaymin. Et Ibn Baz, les deux, et bien d'autres encore, disaient que celui qui délaisse la prière est un kafir. Donc, pour Albani, Othaymin, Ibn Baz, cher Ibn Taymiyyah, rahimullah, l'imam Ahmed et bien d'autres, beaucoup de savants, ben pour lui, et ben, dans la croyance, ils se sont rapprochés des Khawarij. Et voilà. Alors que c'est lui qui est tombé dans El Irja. Et qu'on ne se détrompe pas, j'aime beaucoup l'imam Al-Albani, rahmoullah. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à certains ou quoi, parce que, comme par exemple pour le Madkhalis, lui je le déteste, d'accord? Donc je n'ai rien à craindre, si je devais détester Al-Albani, j'ai rien à craindre de le dire. Mais je l'aime beaucoup et profondément, rahimahullah. Ensuite, la Bouddha min al-amal ma'a at-tasdiq, on ne peut pas échapper à l'action. Donc l'acte par le corps, avec tasdik, avec le fait de dire, d'éclairer vrai. Par le cœur. Allah Azzawajal a dit: Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ceux qui ont écouté la parole, et là c'est un nom d'emprunt, qu'ils ont répondu favorablement à la parole, fayattabi'una ahsanahu, donc ils suivent, donc ils obéissent, ils suivent. Sa meilleure parole, la meilleure de la parole qui vient. Oulaïka alladhina hadahumullah, c'est cela que Allah a guidé. Oulaïka hum ulul albab, et ce sont eux qui sont doués de raison. Voilà, beaucoup à dire sur l'irja, sur ce point-là. J'espère que j'ai fait un condensé, un résumé précis, inshallah, avec les preuves parmi les savants de plusieurs époques. Voilà. Ensuite, quoi le Soubki rahimahullah. Donc, ce savant qui s'appelle le Soubki, qui est décédé en 771 de l'Hégire, donc un petit peu après Ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit ceci. Là, on va rentrer dans le takfir maintenant, d'accord? Il va parler du takfir. Alhamdulillah, le takfir. Oh, ce mot qui fait peur. Juste à mon murji'a de cette époque-là. Qui ont trahi la darwa du cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah. Comme on l'a vu notamment, je vous rappelle, relisez bien, apprenez par cœur, il y a deux phrases seulement à apprendre par cœur de ce qu'a dit le cheikh Mohammed ibn Wahhab, rahimahullah, par rapport à Asluddin ou encore Edatuhu Amran. Le fondement de la religion et sa règle sont deux choses. Et à la fin de ces deux choses, après il dit, Wattakfir ou Manfarlahu, et après, Wattakfir Mantarakahu. Et faire le takfir de celui-là qui l'a. Il a délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et après il dit wa takfir man fa'alahu, et le faire de faire le takfir de celui qui a fait quoi, le shirk. Donc là maintenant nous lisons la parole du cheikh Soubki rahimahullah, il dit ceci: at takfir hukmun shar'i. Voilà, at takfir hukmun shar'i, donc ça vient pas seulement de Fawzan à cette époque qui a dit ça, mais ça vient bien avant. At takfir, le takfir c'est quoi? Est-ce qu'il va dire que c'est une fitna le takfir? Est-ce qu'il va dire que c'est pas bon, messieurs, mesdames, arrêtez de faire du takfir, de parler de takfir? Non, il dit quoi? At takfiru hukmun shari'i. Le takfir c'est une sentence qui est légiférée, shari'i, qui fait dans le char de la sharia, d'accord, qui est légiférée. D'accord? Ce n'est pas une fitna. Comme le tabdir c'est aussi un hukm shari'i. Et comme le tafsir, d'accord? Qu'on s'entende bien. Sababuhu, sa cause, et par quoi vient le takfir? Écoutez bien. Jahdu rububiyya, le fait de renier la seigneurie, rububiyya, donc le fait de renier qu'Allah, c'est lui qui a tout créé, etc. Ou al-wahdaniya, ou l'unicité, là il veut dire al-ibad al-uliya, ou le fait de renier, en fin de compte, renier, comme quoi l'adoration va à Allah seul. Ensuite il dit, ou al-risala, ou bien al-risala, donc le message, c'est-à-dire que le prophète Mohammed est un messager. On renie qu'un autre prophète comme Isa, Jésus ou Moussa ou Ibrahim sont des messagers, sont des prophètes. Celui qui renie, qui se dit musulman, celui qui renie un prophète qui est marqué dans le Coran ou que le prophète a cité, comme par exemple Noé, Abraham, Moïse, Jésus et d'autres, hein, eh bien il est kafir. C'est comme s'il avait renié Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nufariku bayna ahadin min rusuli, comme a dit Allah azza wa jal, la nufariku bayna ahadin min rusuli, à la fin de sourate al-Baqara. Et nous ne faisons pas de différence entre un seul de ces messagers. Celui qui renie un prophète, il a renié tous les prophètes. Et ensuite l'imam Soubki le dit, donc les causes c'est quoi? C'est ces trois choses là à la base, le fait de renier, donc déjà c'est dans le cœur, le fait de renier la seigneurie, ou le fait, la divinité d'Allah Azza wa Jal, ou la prophétie, ou, et après il dit, et tenez-vous bien, c'est là qui est important, au qawlun, ou une parole, au fi'lun, ou un acte. D'accord? Et là, c'est pour aussi contredire certains mots qui sont encore pires que les murjia comme les hanafiya de notre époque. Et ensuite il dit hakama sharia, et que le législateur, donc il veut dire Allah azawajal, a décrété quoi? Bi annahu kouf, que c'est un kouf. Et lisez bien et comprenez bien, écoutez bien ici ce qu'il dit, et c'est explicite. Wa in lam yakun jahidan, et même s'il n'est pas à renier, ça veut dire qu'une personne peut faire qaul, dire une parole, ou faire un acte, et que Allah azawajal a décrété que cette parole ou cet acte est un kufr akbar, sans même que cette personne renie, même sans même qu'il y ait un jard, un juhoud dans son cœur. Ceci se trouve dans son livre, dans ses fatwas, au chapitre 2, à la page 586. À la page 586. Je répète, c'est très important, il faut comprendre, parce que ceci aussi, dans certains murji'a de cette époque, ils ont fait pire, sachez parmi les salafis de cette époque, on fait pire que les matawiliyas, que les murji'a qu'on trouve dans les hanafis et autres, parce que eux, pour certaines paroles, certains actes, ils font une takfir net, sans, on demande à la personne si ou non il fait un jihad, il renie ou pas par son cœur, d'accord. Donc Imam Subki, rahimahullah, dit ceci, « Wat at-takfiru hukmun shara'i ». Le takfir, c'est une sentence qui est légiférée. Salabahu, sa cause, jahdur rububiyya, awil wahdaniya, awil risala. Le fait de renier la seigneurie, ou le fait que Allah est seul à être adoré, ou la prophétie. Et ensuite, il dit, ou une parole, c'est-à-dire qu'un takfir se fait par, à cause d'une parole, une personne va dire une parole, comme par exemple, il va se moquer d'Allah Azzawajal, ou du prophète, ou de n'importe quel prophète, ou de la religion d'Allah Azzawajal. C'est une parole, c'est un kouf à lui seul, comme on va l'étudier dans les, Inch'Allah, dans les 10 nations de l'islam. Et après, Al-Subki dit, au fil, à une action, un acte, comme par exemple quelqu'un qui sciemment, bien qu'il sait, il sait exactement, qu'il va prendre le Coran, un mushaf, d'accord? Et il sait que c'est un mushaf. Et il le jette dans les poubelles. Ceci est un acte, et ceci est un kouf. Et cette personne est sortie de l'islam. Il y a ijmar, il y a unanimité sur ceci. D'accord? Et c'est un acte. Et on ne lui demande pas, tu renies le Coran, tu n'aimes pas le Coran, on ne va pas lui poser des questions sur son cœur. On lui pose seulement la question, est-ce que tu sais ce que tu as jeté? S'il dit, oui, j'ai jeté la gloire de mon père, de Marcel Pagnol. On lui dit, non, regarde dans la poubelle ici, regarde. Oh zut, subhanallah, astaghfirullah, je me suis trompé. Et c'est vrai qu'à côté, il y avait un autre livre, c'est justement la gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Et en fait, on s'est trompé. Donc là, il n'a pas fait de kufr, il n'y a pas de problème. Mais ici, il dit, oui, oui, je sais ce que j'ai jeté. J'ai jeté le mousraf, j'ai jeté le Coran dans la poubelle. Et alors, mais moi, je l'aime, le Coran est dans mon cœur, et patati et patata, il peut dire ce qu'il veut. S'il sait qu'il a jeté le Coran dans la poubelle, c'est un kafir. Tout ce qu'il peut dire. Tout ce qu'il peut dire de ce que son cœur il aime le Coran ou quoi, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on va déclarer vrai son acte. Et son acte va déclarer faux, mensonge, sa parole. Voilà. Mais il y en a qui trouvent que c'est comme moi, c'est un mécréant. C'est comme les Subki. Après, wa in lam yakun jahida. Et même s'il n'est pas à renier. D'accord? On peut bien dire une parole ou faire un acte. C'est du kufr, même si dans son cœur il ne le renie pas. Et comme on va le voir notamment, le fait de se moquer d'Allah Azzawajal dans le verset, voilà, in salatum man astaghfirullah. Donc Allah Azzawajal a dit dans Surat al-Tawbah, le verset 65 et après 66. Voilà, in salatum la yakurunna inna ma kunna khununa rabi. Si tu leur questionnes, ils te diront, mais nous ne faisons que plonger dans la discussion et jouer. قل دي أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون est-ce que c'est d'Allah de ces versets et de son messager que vous étiez à vous moquer et ensuite Allah Azza wa Jal et c'est là qui est très important pour comprendre notre problème ici لا تعتذروا ne prenez pas d'excuses لا تعتذروا العذر لا تعتذروا ne prenez pas d'excuses قد كفرتم بعد إيمانكم certes vous avez mécru devenu mécréant après avoir eu la foi. Et oui, parce que ça, c'est des personnes qui avaient, qui pendant une rasoir sur la route, pour passer le temps, ils s'étaient moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses proches compagnons. Et ils ont été, quelqu'un les a dénoncés, et avant que cette personne ait dénoncé la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et une de ces gens qui, justement, qui participait à cette moquerie-là est venue au prophète et disait ça. Nous faisons que plonger dans la discussion et à jouer. Il prenait excuse, il disait, on savait pas que c'est mal de le faire, d'accord? Même si c'était vrai. Même si ta parole était vraie, comme quoi il ne savait pas que c'était mal ou pas, cette parole-là même de se moquer suffisait à que ce soit des koufars comme Allah azawajalla. Est-ce que le prophète n'arrêtait pas de lui répéter ce verset? La tartadiru quand kafartum barda imanikum. Ne prenez pas d'excuses. Vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et nous étudions, inshallah, aussi ça aussi dans les annulations de l'islam. Bi-iznillah. Donc il y a des paroles. Et notamment, on étudie aussi, inshallah, dans l'islam, les conditions pour faire le takfir, les interdictions du takfir. D'accord? Ensuite, nous revenons au texte de base. Donc nous sommes toujours, donc bien sûr, là j'avais lu la notation sur la preuve de l'inqiyad, la conformité, de l'obéissance par le corps. Donc le cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimallah, a dit, est la preuve de la conformité, d'être conforme, de se conformer à ce que Allah azawajal nous a demandé de faire. Lima dalla alayhi qawluhu ta'ala, c'est ce qu'a indiqué sa parole, donc la parole d'Allah azawajal, qui est ceci. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم, qui veut dire, et revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Ce qui indique ceci, c'est que Anibu ila rabbikum, c'est par le cœur. Revenez par vos cœurs à votre Seigneur, ou aslimu lahu, et soumettez-vous par l'acte, donc à lui. Ceci dans la sourate Az-Zumar, le verset 54. Et lisez le tafsir de ce verset et vous y le trouverez, Inch'Allah. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah a dit, wa qulhu, et donc sa parole, donc la parole à Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Donc qui est mieux en religion que celui qui a soumis sa face pour Allah en étant mohsin, en faisant le bien? Et donc qui a soumis sa face pour Allah azawajal, c'est-à-dire que dans son cœur exactement, il se soumet, d'accord, wa mohsin, et il fait le bien par les actes. Et sa parole, donc la parole d'Allah, et celui qui soumet sa face à Allah, en étant mohsin, en faisant les choses bien, en faisant de bonnes actions, on trouve les bonnes actions, alors ça qui s'est accroché par l'anse la plus solide. Et ensuite, le cheikh Mohammed dit, hey, c'est-à-dire, Bila ilaha illallah. L'ancienne c'est là il est là, comme c'est justement à droite, on retrouve la même formule après Ayatul Kursi où Allah azawajal dit wa man yakfur bit tagut, et celui qui mécroit au tagut wa yu'min billah, et qui croit en Allah, faqad istamsaka bi rawatil wufqa, alors ça c'est accroché à l'anse la plus solide qui est l'islam, et notamment qui est là il est là Allah. Ensuite le cheikh محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دي وقوله تعالى يسطر عنك الله عز وجل فلا وربك et je et non et et certes je jure par ton Seigneur. Donc Allah عز وجل il jure par lui-même, pour vous dire comme c'est important. Des fois il jure par certaines choses de sa création, mais là il jure par lui-même, فلا وربك, il interpelle son prophète sur la scène, il dit فلا وربك, et alors je jure par ton Seigneur, لا يؤمنون, ils ne croiront pas, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge dans ce quoi ils ont divergé. D'accord? Donc ça c'est une action. C'est une action par le corps. Il faut prendre le juge, il faut prendre le professeur Lassam comme juge quand on est en divergence. Sinon, eh bien, on ne mécroit pas au tarot. Et celui qui prend un autre juge que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que la charia, que Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il prend le juge le tarot. Et on va expliquer ça en détail. Mais si ce n'est pas ici le but voulu, si c'est par rapport à l'action. D'accord? Et ensuite, ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Et ensuite, ils ne trouvent rien dans leur propre personne, donc là c'est dans le cœur, حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ, de gêne dans ce que quoi tu as décrété, ce que tu as jugé. D'accord? Donc, quand on a un problème avec quelqu'un, on prend qui comme juge? Hop, on va voir le prophète, salam, là il est mort, donc on va voir les hadiths. On va demander notamment au fuqaha, gens du fiqh, de nous dire où est l'avis juste sur ceci. D'accord? Donc on demande, en fin de compte, à juger par la loi d'Allah Azzawajal. Donc il faut, première chose, c'est faire ça, se retourner vers la loi d'Allah Azzawajal par l'intermédiaire notamment de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui nous a donné le message donné, qui a été l'intermédiaire entre Allah Azzawajal et la création pour faire le tablir pour comment dire déjà le tablir pour ah là là la ilaha illallah, pour propager, pas exactement propager, mais pour, ah bah voilà, moi j'ai un problème dans mon français maintenant. Transmettre, voilà. Établir, c'est le fait de transmettre. Transmettre le message. Transmettre la loi d'Allah Azzawajal dans la Aqidah ou dans l'Ahkam, dans les lois, dans le bon comportement. Donc voilà, donc là, il faut. Deuxième chose, après, voilà. Et ensuite, dans leur cœur, donc à l'intérieur du cœur, donc là, ça concerne le cœur, il ne faut pas trouver de gêne dans ce que le prophète a décrété. Taslima, et ils vont Yusallimu, du verbe salama yusallimu, qu'on utilise aussi notamment de nos jours, même avant, qui veut dire le fait de livrer. Donc, et ils livrent une parfaite, tasliman, une parfaite livraison, c'est-à-dire qu'ils livrent, ils vont se soumettre, c'est-à-dire que dans ce moment, ils vont appliquer, et donc là par le corps, ils vont appliquer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété. Ceci est dans Sourate An-Nisa, le verset 65. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimullah, dit wa min as-sunnah, et parmi la sunnah, donc parmi les hadiths, Qawluhu, sa parole, donc sallallahu alayhi wa sallam, donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit ça, je dis aurait dit ça, mais c'est un petit tamrid, avec une prononciation de maladif, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez voir, il y a une divergence, si ce hadith il est sahih ou pas, donc je dis, il aurait dit ça, comme on dit, qu'il, on a dit que le prophète a dit ça. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Il n'y a pas un seul de vous qui croit jusqu'à ça, parce que sa passion suive ce quoi je suis venu avec. Voilà. Ce hadith, notamment, vous trouvez dans les 40, dans la quarantaine de hadiths de l'imam An-Nawawi, qui sont au nombre de 42, non pas 40, mais 42, donc on dit la quarantaine de hadiths de l'imam An-Nawawi, rahimahullah. Vous pouvez me dire 40, c'est pas grave, ça ne me dérange pas de me personnellement. Et comme a dit le cheikh Mohammed Al-Wahhab, il a dit, et ceci est la perfection de l'inqiyad, donc la perfection de cette condition, l'inqiyad, la conformité, donc l'obéissance, et son summum, on va dire, le but, mais ici dans le but, le summum, voilà. Que vraiment être, avoir cette perfection, que être, en fin de compte, de toujours obéir. Parce que si on désobéit, comme vous savez, c'est un grand péché, ça ne fait pas sortir de l'islam. Nous allons lire la notation numéro, qui pour moi est le numéro 12. C'est un peu long. Non, c'est bon, c'est bon. Alors, il est. Bon. Bismillah ta'ala, on va s'arrêter ici, parce que ça fait déjà 43 minutes. On continuera, Inch'Allah, et on finira dans le prochain cours, Biznillah. Donc, cette condition, Al-Inqiyad, la conformité, le fait de se conformer à ce qu'Allah nous a demandé de faire, l'obéissance par le corps. On finira donc le cours prochain, Biznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayhi.